Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Marion Pélissier, bonjour. Vous êtes collaboratrice artistique de Cyril Test et nous allons parler ensemble d'un spectacle qui sera à l'affiche à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise les 14 et 15 novembre prochains. Festen, une pièce présentée comme une performance filmique avec effectivement un travail particulier qui nous est proposé par non seulement ce metteur en scène qui est Cyril Test, que vous connaissez, et qui est par ailleurs fondateur d'un collectif. Vous nous présentez ce collectif car c'est important au niveau de la démarche artistique pour bien comprendre ensuite le travail de Cyril Test. Oui, il s'agit du collectif MXM. Donc Cyril s'est entouré d'un collectif de techniciens et on est maintenant un très grand nombre. Au début, c'était un petit noyau qui s'est bien agrandi au fur et à mesure des spectacles. Et ce sont des techniciens artistes, poètes, créateurs, des gens qui portent vraiment la narration aux côtés de Cyril et qui prennent le risque ensemble pour un spectacle qui est vraiment une performance, puisque le défi technique est assez grand. Quand on parle d'ailleurs de défi technique, c'est à la fois une écriture théâtrale, vous nous rassurez, c'est bien du théâtre, mais pourtant qui s'appuie sur un dispositif cinématographique avec des images tournées en direct et à vue. Ce qui n'est pas commun. C'est-à-dire que les acteurs se prêtent au jeu à la fois du théâtre et du cinéma, mais également tout est en direct, c'est-à-dire qu'il y a le cadreur qui font les images en direct, mais également un monteur, une personne au son qui fait le mixage en direct. C'est vraiment un défi collectif et c'est on ne peut plus du théâtre puisque au plateau, on a quelque chose qui se passe en temps réel, le jeu ne s'arrête jamais, la pièce continue toujours de se dérouler. Et le film vient raconter un point de vue sur l'histoire, mais tout autour, au plateau, on a vraiment le plan large de l'histoire. On peut aller aussi chercher des réponses, une autre partie de l'histoire que le spectateur peut se raconter. Et c'est une machine qui avance et qui ne s'arrête jamais, parce que la pièce au plateau se raconte. Et le théâtre est vraiment là, parce que c'est du temps réel. Il n'y a rien de, ou très peu, d'images préenregistrées. Donc la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que le cinéma, c'est un temps arrêté, c'est un temps qui est figé. Et le théâtre est du temps présent, et là on est vraiment sur du temps présent, et on sent vraiment ce temps présent très fort de par le dispositif. Venons-en donc à Festen, pour ceux qui ont un peu de mémoire cinématographique, c'était un film culte qui a marqué la nouvelle vague danoise à la fin des années 90, c'est ça ? Oui, il a été primé en 98. Là, effectivement, quand je disais Festen incarne ce film culte, est-ce à dire que ce que nous allons découvrir sur scène, c'est une transposition, une adaptation du film ? C'est une sorte de réécriture autour du film. C'est des thématiques qui étaient chères à Cyril, qui sont proches du film, mais aussi des choses qui nous traversent, qui sont parfois un peu plus éloignées du film. C'est vraiment une forme de réécriture. C'est des thématiques qui sont celles du règlement de compte, mais pas essentiellement. C'est vraiment aussi la question de la légitimité d'un fils qui est bloqué, qui essaye d'avancer, de régler ses comptes, mais pour avancer dans sa propre histoire. Il vient avec aucune violence, il vient vraiment chercher à régler quelque chose pour pouvoir continuer à vivre. Et c'est vrai qu'on est resté très fidèle à l'histoire. Et pour autant, c'est vrai que de par le dispositif, on a quand même une lecture qui est assez singulière, une esthétique qui est la nôtre. Et donc forcément, c'est une autre lecture de l'histoire. L'histoire est celle d'une réunion de famille à l'occasion des 60 ans du chef de famille. Et là, comme parfois ça peut se produire dans des réunions de famille autour d'une grande table, il va y avoir une forme de coup de théâtre. Oui, on est sur une famille très bourgeoise, dans un milieu très élégant. Le film déjà racontait ça. C'est aussi une critique de la société, des inégalités sociales, etc. Et les 60 ans de ce père, qui est un patriarche vraiment, qui a une grande influence. Il y a des amis et de la famille qui sont réunis au plateau. Et il y a donc ses enfants. Ils ont eu 4 enfants. L'aîné, le grand garçon. Ensuite, il y a la sœur. Les plus jeunes, ce sont les jumeaux. Et un des jumeaux, la jeune fille, on le comprend dans le spectacle, est morte peu de temps avant. L'enterrement était très peu de temps avant l'anniversaire du père. Ils arrivent un peu teintés aussi de ce drame familial. Mais ils font quand même une fête pour l'anniversaire du père. Ils se réunissent. Et le jumeau, l'autre de ses fils, vient pour régler quelque chose. Christian, donc, le fils aîné, va révéler à cette occasion de terribles secrets, ce qui va la nature de ce coup de théâtre que j'évoquais il y a un instant. La singularité, c'est que bien sûr, il y a ce coup de théâtre, mais le spectacle raconte pas uniquement ça, il raconte vraiment la difficulté à faire entendre quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle aussi Festen, c'est la fête. Comment, tout au long de la soirée, les convives, le père, tout le monde est toujours du côté de la fête. Du côté du drame, personne n'a vraiment envie d'aller, pas vraiment envie d'entendre, parce que c'est plus facile, parce que pour mille raisons, qu'on n'est pas là pour juger d'ailleurs, les gens sont du côté de la fête et à quel point c'est difficile pour le fils de faire entendre ce qu'il a à dire. Il est obligé de répéter, il est obligé d'aller au combat pour se faire entendre. Le contexte, c'est aussi de nous proposer une lecture sociétale très actuelle, où les sujets qui nous traversent dans notre société très contemporaine, à savoir le mensonge collectif, le racisme insidieux et bien d'autres choses de cet ordre. Oui, en plus, malheureusement, ce sont des sujets qui sont intemporels. C'était très juste en 98 et je pense que c'est encore extrêmement pertinent. Malheureusement, ça le sera pour un moment. Une pièce qui résonne, ai-je lu, avec la tragédie d'Hamlet. En quoi résonne-t-elle ? Eh bien, déjà, ils sortent d'un enterrement. Ils vont célébrer une fête et il y a eu un enterrement juste avant. Je crois que c'est Horatio qui dit ça. On peut se servir encore des boissons et de toutes les victuailles de l'enterrement et les resservir pour la fête. Ils ont vraiment ça, déjà, de commun. Et puis aussi, ce héros, ce personnage de Christian, qui est très proche du personnage d'Hamlet, la sœur morte, c'est vraiment aussi le poids du fantôme, la mission du fantôme. Comment on peut libérer aussi un fantôme en allant régler quelque chose à sa place. À bien des endroits, on a vraiment des parallèles très forts. Dans cette pièce s'engage une forme de duel entre ce qui est du domaine de la vérité, ce qui n'est pas, où on se réfugie effectivement. Je ne sais pas si c'est la langue de bois, mais l'hypocrisie assurée. Oui, et en même temps, je pense que c'est important de ne pas se porter en tant que juge, parce que on a vraiment essayé de lire la pièce en se disant jamais qui, en pointant peu du doigt au maximum jusqu'au bout, pour qu'on ait vraiment le doute, parce que nous on en discute en connaissant aussi l'histoire, mais on a voulu au fur et à mesure de la pièce qu'on sache pas, qu'on ne donne pas forcément raison au fils tout de suite, qu'on soit vraiment du côté de la fable. Il est possible de ne pas entendre cette histoire parce que le fils aussi, il a, comme Hamlet, il a ses endroits de folie, il a ses fragilités, donc parfois il est peu crédible, et le père, il est très solide, et on a voulu aussi que ça paraisse, parfois le fragiliser, ce personnage. C'est pas une évidence de le croire tout de suite. C'est bien pour ça que son parcours est difficile et qu'il est héroïque. C'est parce que c'est difficile de le croire. Donc nous sommes invités à nous plonger dans la complexité d'une famille dont il sera question dans le cadre de ce spectacle. Sur scène, on est entre le réel et le virtuel. J'ai lu même avec illustration olfactive, l'odorat sera aussi partagé par les spectateurs. Oui, c'est vrai que Cyril avait vraiment l'envie et la nécessité pour ce spectacle de trouver quelque chose de très immersif et puis qui rappelle aussi nos propres souvenirs d'enfance, nos endroits aussi de confort et à travers le travail olfactif qu'ils ont fait ensemble, ils ont essayé à certains moments de replonger le spectateur dans des souvenirs vraiment sensoriels, qui sont pas du tout des choses pas du tout intellectuelles. Et en plus, rajoutons à ça qu'il y a aussi un repas qui est servi réellement sur le plateau, qui est en partie cuisiné sur le plateau par les acteurs qui sont aussi serveurs cuisiniers pour l'occasion. Et donc, il y a vraiment un repas qui est servi avec les odeurs du repas, et rajoutons à ça les odeurs parfois de cette sœur qui est disparue qui nous évoque à chacun quelque chose de singulier. Chaque spectateur est transporté à un endroit qui ne nous appartient pas aussi. C'est important de ne pas maîtriser totalement ça, de laisser une part au spectateur à travers des choses vraiment sensorielles. C'est aussi la tentative olfactive. Alors, sur scène, vous me dites si je suis dans le vrai, 15 comédiens, et je crois que vous avez même associé pour ces représentations, comme au moment de la création, des spectateurs privilégiés à partager la soirée sur scène. C'est une véritable immersion pour eux. C'est une aventure vraiment très agréable pour l'avoir du coup tourné un bon moment. On a pu vraiment mettre cette idée au début on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner à l'épreuve, et ça, c'est toujours extrêmement agréable. Déjà, ça nous permet de rencontrer les spectateurs autrement, ou parfois on peut rencontrer aussi les gens du théâtre. Parfois, il y a certains postes dans les lieux qu'on ne connaît pas, comme comptabilité, ou des gens que les acteurs ne rencontrent pas. Et ça me permet de rencontrer en tout cas des gens vraiment différemment. Et c'est vraiment des spectateurs, ils n'ont pas du tout ils sont pris en charge comme étant des convives, des amis du père, mais en tout cas ils n'ont rien à faire, on les prend vraiment en charge, ce ne sont pas des acteurs, quoi. Et ils ont un repas qui est servi, qui est très bon entre autres, et ils sont là pour assister à la fête. Et il y a comme une partition qui a été vraiment écrite pour eux, à l'intérieur, un parcours, où les textes qui sont dits à table de l'extérieur du point de vue de la salle, on les entend au loin, mais eux, ils les entendent très nettement, donc ils ont d'autres histoires, des histoires internes de la famille, qui sont racontées un petit peu comme ça, avec légèreté à table. Ils sont vraiment du côté de la fête, donc ils n'entendent pas entièrement le drame, et ils portent aussi cette fête, malgré eux, avec nous au plateau. Mmh. Et parfois, ils vont en coulisses. On les emmène vraiment de partout, et c'est vraiment très important, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un regard juste sur l'histoire, que ces gens-là, très naturellement, sont aussi du côté de la joie et de la fête, et ne sont pas du tout condamnables, ce sont des gens qui viennent passer un moment chouette avec nous. Très bien, c'est assez beau. Je rappelle à nos auditeurs que c'est un spectacle où il est question évidemment de théâtre, mais qui mêle images, son, lumière et nouvelles technologies. Et j'ai trouvé parmi votre revue de presse une critique qui me semble être peut-être la plus juste par rapport à ce travail, à cette création. Elle est signée de Brigitte Salino du Monde. Elle dit la chose suivante: Cyril Test porte au théâtre le scénario du film de Thomas Vinterberg et réussit à le faire oublier sans le trahir, tant son regard est sensible. La technologie sait se faire oublier au bénéfice d'une perception accrue, tant elle est fluide, presque musicale, dans ce festin où théâtre et cinéma s'étreignent d'une manière exemplaire. On ne peut pas mieux écrire, hein ? C'est un beau compliment. c'est un beau compliment parce que c'est très proche de ce qu'on a voulu faire. Merci Marion Pellissier d'avoir passé ce moment en notre compagnie. On rappelle à nos auditeurs que Festen sera à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise les mercredis 14 novembre à 20h30 et le jeudi 15 novembre à 19h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise, et que Cyril Test est déjà connu sur cette scène nationale puisqu'il a déjà été accueilli avec un autre spectacle en février 2017 avec Nobody dans le cadre de Périphérique Festival des Arts Mêlés. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie beaucoup. Merci.